vois toute la ligne. Tu fais le Matrix et t'as pas calibre. Elle veut qu'on se capte mais j'suis pas libre. Elle fait la sgeg mais elle est maligne. Tu es jamais content mon ami. Ça les chagrine. Je vais plus gaspiller ma salive. Au casin, il a misé toute sa prime. Après, à la fin du mois, ça trime. Pour la moula, ça fait des crimes. Ça m'a quitté ce que j'ai vu. Heureusement, je fais bouger.